Imaginez une seconde que vous avez le choix, que vous êtes absolument libre de choisir. Est-ce que vous choisissez de vivre seul, loin des autres, ou avec tout le monde? Vous choisissez de tout plaquer, d'aller rejoindre la sauvagerie naturelle, ou de vous accrocher aux autres parce que vous savez bien que votre survie en dépend. Il y a fort à parier que votre réponse sera « ça dépend ». Ça dépend des moments, ça dépend de qui sont les autres, ça dépend pour combien de temps. Ce qui fait envie pour une semaine, un mois, une année est rarement séduisant pour toute une vie. Ce trait qui nous pousse à ne pas pouvoir choisir, qui nous fait ne pas vouloir vivre avec les autres, mais ne pas pouvoir vivre sans eux, c'est ce que le philosophe Emmanuel Kant appelle l'insociable sociabilité. Et nous avons 50 minutes pour en parler. Mama can I hum, mama can I hum, hum, can I mama won't you please let me mama can I hum. That's the sweetest little dress, Sally, where'd you get the pattern? Made me one just like it out of yellow dotted Swiss. Yes, I guess we got the earliest garden in the county. Been eating strawberries all week, snapping green beans. Too bad about your boy. Mama, make Willie quit pulling at my hair. Mama, ouch, ouch, mama, just make Willie quit it. Tommy, if you don't put down that stick, I'm gonna wear you out with it, boy. Be quick. Come quick, Sammy Jean stuck a finger in the cook bottle. Can't get it out cause it's stuck, stuck, stuck. Now, I told you my mama didn't raise no fool. I can do anything if I got the right tools. Mama, can I hum? Mama, can I hum? Huh? Can I, mama, won't you please let me, mama, can I hum? The crop's been failing, Lord, it sure is dry. You'd think that we'd get a sprinkle by and by. Gonna tear you up, girl, gonna get a switch. Better tell me you're a cousin, but you're sorry that you hit her. If I told you once, it's been a thousand times. We'd ask to your uncles for nickels and dimes. Mama, make Willie quit pulling that man. Mama, just make Willie quit it. Bonjour François Calori. Bonjour Adèle Vendresse. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Beaucoup. Vous êtes maître de conférence à l'UFR de philosophie de l'université Rennes 1. Vous avez travaillé sur la pensée d'Emmanuel Kant. Vous avez soutenu une thèse sur le sentiment dans la pensée kantienne. Ça veut dire qu'il y a du sentiment dans la pensée. C'est un autre sujet, mais c'est quand même passionnant. Et si pour vous, le concept d'insociable sociabilité était une chanson, ce serait celle-là. Elle s'appelle « Reunion » de Bobby Gentry. Oui, absolument. C'est une chanson assez fantastique où Bobby Gentry met en scène une réunion de famille avec tout ce que ça peut comporter de chamaillerie, de taquinerie, de rivalité, de dispute, mais aussi de tendresse. Et elle arrive dans le cœur de toutes ces voix à faire en sorte qu'on sente cette insociable sociabilité dont la famille finalement est aussi une figure. Alors j'ai défini l'insociable sociabilité comme étant l'impossibilité de vivre sans les autres et l'impossibilité de vivre avec les autres. C'est une manière intuitive de la définir. Est-ce que c'est à peu près ce que veut dire Kant ? Oui, c'est absolument cela que veut dire Kant, hein, en réunissant dans une seule expression ces deux termes, hein, ces deux forces qui animent la nature humaine. D'un côté, une tendance à la sociabilité qui nous rapproche les uns des autres, hein, et qui fait que l'homme ne peut pas vivre sans les autres hommes et se sent davantage homme quand il est avec les autres. Et en même temps, cette tendance qui nous fait nous fuir les uns les autres, entrer en rivalité les uns avec les autres parce que nous ne supportons pas que les autres nous dominent, nous maîtrisent, nous imposent leur volonté et que cet appétit de liberté que nous avons en nous nous fait fuir les autres. On a comme deux forces. Et il y a peut-être même un modèle newtonien qui serait ici à l'œuvre, hein, une force qui serait une force centripète qui nous rapproche les uns des autres, et de l'autre côté une force centrifuge qui nous éloigne les uns des autres. Et c'est cette notion-là, ce qu'on pourrait appeler, hein, comme figure de style, un oxymore, puisque c'est une contradiction dans les termes, qui pour Kant est une composante essentielle de la nature humaine et qui va, on va le voir, jouer un rôle central au sens où elle va permettre de nouer ensemble son anthropologie. D'un côté, mais aussi sa philosophie de l'histoire, sa philosophie du droit aussi, et la philosophie politique qui lui est liée. C'est intéressant que vous parliez de la physique newtonienne qui combine oui, les forces d'attraction et de répulsion, au fond comme la loi des corps physiques, les corps humains qui en effet sont tantôt attirés, tantôt au contraire dégoûtés par les autres, parce que ce concept même d'insociable sociabilité semble avoir un écho quasiment psychologique, parce qu'on voit tout de suite ce que ça veut dire et on a comme des souvenirs ou des restes de sensations qu'on a pu avoir justement qui nous ont donné envie soit d'aller vivre seul loin des autres, soit au contraire d'être à tout prix avec les autres. Est-ce que cette dimension psychologique, c'est un bon point de départ ou est-ce qu'il faut essayer d'y renoncer pour essayer de comprendre la sphère dans laquelle Kant s'inscrit ? Non, ça peut être un bon point de départ dans la mesure où ça relève de ce que Kant appelait l'anthropologie du point de vue pragmatique hein, et qui inclut la psychologie. Mais Kant va lui donner une fonction dans sa pensée qui déborde largement celle-ci, puisque il va en faire quelque chose comme le moteur de l'histoire, le moteur du progrès humain. Et puisqu'on parlait de Newton à l'instant, il le cite dans l'introduction même du petit texte où on trouve cette expression l'insociable sociabilité, en disant qu'il cherche justement celui qui sera un Kepler ou un Newton de l'histoire, hein, qui pourra parvenir à trouver juste dans une perspective qui est une perspective très large, celle d'une idée, d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, c'est le titre. Alors je sais que cette émission s'inscrit dans une série qui est ne plus avoir peur de Kant. Bah, le titre fait peur, ça voilà, c'est sûr. Le titre fait peur, et d'ailleurs la notion même insociable, sociabilité aussi, dans sa contradiction, on se dit, ben voilà, encore un non-sens de philosophe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Kant va faire cette notion, en apparence sans dénuée de signification, donc contradictoire, eh bien ce qui permet de donner du sens à l'histoire humaine dans son ensemble, ce qui permet de découvrir dans cette histoire quelque chose comme une signification, un plan caché, on va voir, et qui nous permet dans une perspective téléologique, c'est-à-dire une perspective qui cherche à dégager une finalité de l'histoire et donc un but sur lequel cette histoire humaine est orientée. Hein, cette notion de la sociabilité va jouer un rôle essentiel. Et je suis très heureuse de cette émission parce qu'on connaît moins le Kant qui pense l'histoire, justement. On connaît peut-être celui des critiques, on en a parlé hier, on en reparlera demain. Mais le Kant dans la philosophie de l'histoire est quelque chose dont on parle moins et qui est absolument décisif. Idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, c'est le titre intégral du texte dans lequel on trouve cette expression d'insociable sociabilité. Il paraît en 1784. C'est donc entre la première et la deuxième critique. Donc Kant a déjà accouché de sa première critique. Je l'ai dit hier, il l'écrit, il est à 57 ans, donc il est déjà assez âgé. Sa pensée a déjà maturé. Et là, on trouve ce texte qui est composé de 10 très courtes propositions, qui sont autant de propositions sur l'histoire, au croisement, là, vous l'avez dit, de l'anthropologie, de la politique, voire d'une dimension un peu plus juridique. Et c'est dans la quatrième proposition qu'on trouve cette expression-là. Est-ce que le numéro de la proposition, enfin l'endroit où se trouve cette expression dans le texte général est important, François Calori ? Oui, oui, c'est un point important hein, qui fait progresser la réflexion de façon décisive. Peut-être qu'on peut au départ présenter le texte de Kant, puisque c'est un texte qui, à la différence des grands textes évoqués hier par Michael Fossey, les grandes critiques, hein, est un texte qui est d'une technicité conceptuelle moins forte, puisqu'il est un texte publié dans une revue en 1784, dont la Berlinische Monatsschrift, qui est une revue destinée à un public évidemment lettré, mais plus large que celui à qui est destinée la critique. Une revue dans laquelle Kant est un correspondant, enfin écrit assez souvent, a publié plusieurs textes. La même année, il publie un autre très fameux texte dans cette revue qui est « Qu'est-ce que les Lumières ?» hein, 2 mois après. Donc il faut tenir compte aussi de ce public à qui est adressé ce texte. Et donc si on reprend la progression même de l'argumentation, hein, il va s'agir pour Kant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tenter de voir si on peut dégager hein, des grandes régularités dans l'histoire humaine, savoir comment aborder cette histoire pour lui redonner un sens. Parce que ça commence par un sentiment d'indignation qu'on peut ressentir devant l'apparente irrationalité de l'histoire humaine et du comportement humain lorsqu'on le voit au niveau individuel, mais aussi de l'histoire humaine en général. Est-ce que tout cela doit être considéré comme une histoire dénuée de signification, pleine de bruit et de fureur, comme dit Shakespeare dans Macbeth, racontée par un idiot, ou bien est-ce qu'on peut dégager un sens ? Beaucoup plus tard, dans un texte plus tardif, Le conflit des facultés, Kant va proposer une sorte de typologie de la considération de l'histoire qu'on peut faire. Un premier type, c'est ce qu'il appelle la conception terroriste de l'histoire, c'est-à-dire celle qui considère que tout va pour le toujours pour le pire, que nous sommes dans un déclin qui va jusqu'à la fin du monde et où chaque nouvelle génération détruit ce que la précédente avait accompli dans un inexorable destin catastrophique. Une autre proposition, c'est celle de ce que Kant appelle la perspective abderitiste. Il rend hommage à l'école d'Abdère, qui est une école grecque de Démocrite, dont les humeurs variaient de la joie à la tristesse. Et pour cette perspective abderitiste, c'était une perspective cyclique, qui considère l'histoire humaine comme l'éternel recommencement du même, où les phases de progrès sont suivies par des phases de déclin, mais où finalement, là aussi, aucune signification ne se dessine véritablement. Et puis, il y a une perspective qu'il appelle eudémoniste, qui est une perspective qui est centrée sur l'idée d'un progrès humain, où chaque nouvelle génération va porter plus loin les accomplissements de l'homme. Et alors, où se situe Kant ? Kant se situe plutôt proche de cette perspective, même s'il ne va pas... La troisième, celle de la perspective qui marque un progrès, il retient ce progrès. C'est pas une perspective eudémoniste dans la mesure où elle n'est pas orientée sur le bonheur de l'homme, on le verra, mais sur la réalisation du droit. Et il s'agit donc de découvrir la possibilité d'une lecture de l'histoire qui soit faite au fil conducteur de cette idée de progrès humain. Et le moteur de ce progrès, justement, c'est l'insociable sociabilité dont nous parlons aujourd'hui, qui fait le centre de notre discussion. Et il s'agit de prendre conscience d'abord que toutes les dispositions de l'homme, et c'est ainsi que commence le texte de l'idée d'une histoire universelle, doivent se développer. L'homme n'est pas d'emblée tout ce qu'il est, il doit se développer. Chaque individu doit développer ses propres potentialités, mais l'espèce humaine doit aussi développer ses propres potentialités. Oui, il y a deux niveaux qu'il faut tout de suite distinguer. Il y a le niveau de l'individu et il y a le niveau de l'espèce humaine. Et parfois, ce qui est un progrès à l'échelle individuelle ne l'est pas à l'échelle de l'espèce et vice-versa. Exactement. Mais dans les deux cas, à la fois dans le cas individuel et dans le cas de l'espèce, l'insociable sociabilité va être le moteur de ce progrès. Ça veut dire qu'on peut tirer quelque chose de positif de ce qui paraît conflictuel et insoluble. Exactement. C'est le conflit va être d'une certaine manière, sous la figure de la concurrence et de la rivalité, le moteur du progrès. Or, ici, Kant va reprendre une idée, là aussi, vous avez dit tout à l'heure que cette idée d'insociable sociabilité, elle est aussi vieille que le monde, cette idée, elle est très ancienne. On la retrouve, par exemple, chez Montaigne, on a presque la même formule, dans un essai de la solitude, où Montaigne dit que l'homme est à la fois ce qu'il y a de plus dissociable et ce qu'il y a de plus sociable. Kant conjoint les deux d'une façon encore plus forte dans une seule expression, dans cet oxymore-là, et il reprend aussi l'idée Kant, cette idée qu'on trouve déjà chez Platon dans le mythe d'Épiméthée, qu'en un sens, quand on considère l'homme comme être naturel, il est l'être le plus démuni, celui qui, avec lequel la nature en un sens a été le plus avare, ne lui a procuré le moins possible d'éléments qui soient donnés, parce que elle voulait que l'homme lui-même tire de lui-même ses propres capacités et réalise de lui-même, de son propre fond et par sa liberté, les potentialités qui sont les siennes. Oui, c'est ça. Les animaux ont une fourrure, des griffes, de quoi se protéger. L'homme n'a rien, si ce n'est sa raison. Exactement. Et il n'a pas d'instinct qui le conduit à savoir comment agir, dans quelle situation. C'est à lui à se procurer les propres instruments de sa survie et à développer ses propres possibilités d'action. Et c'est donc sur la base de ce point de départ que le fait que la nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse simplement l'agencement mécanique de son existence animale, que Kant va mettre en avant cette notion dans la quatrième proposition d'insociable sociabilité, dans la mesure où, comme il le dit dans cette proposition, le moyen dont la nature se sert pour mener à bien le développement de toutes ces dispositions est leur antagonisme dans la société. On l'écoute. Le moyen dont la nature se sert pour mener à bien le développement de toutes ces dispositions est leur antagonisme dans la société, pour autant que celui-ci est cependant, en fin de compte, la cause d'un ordre légal de celle-ci. J'entends ici, par antagonisme, l'insociable sociabilité des hommes, c'est-à-dire leur tendance à entrer en société, tendance cependant liée à une constante résistance à le faire, qui menace sans cesse de scinder cette société. Cette disposition réside manifestement dans la nature humaine. L'homme possède une inclination à s'associer, car dans un tel état il se sent plus homme, c'est-à-dire ressent le développement de ses dispositions naturelles, mais il a aussi une forte tendance à se singulariser, car il rencontre en même temps en lui-même ce caractère insociable qu'il a de vouloir tout diriger seulement selon son point de vue. Par suite, il s'attend à des résistances de toutes parts, de même qu'il se sait lui-même enclin, de son côté, à résister aux autres. Or, c'est cette résistance qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le conduit à surmonter sa tendance à la paresse, et, sous l'impulsion de l'ambition, de la soif de domination ou de la cupidité, à se tailler un rang parmi ses compagnons, qu'il supporte peu volontiers, mais dont il ne peut pas non plus se passer. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On ne peut pas s'empêcher, quand on entend ce texte, François Calori, d'imaginer le Kant plus ou moins vieux, seul à sa table de travail, qui n'a jamais quitté sa ville, et qui a un quotidien extrêmement ritualisé, qui n'est pas connu pour sa... Enfin, il a une curiosité sans borne, mais il préfère apprendre les choses dans les livres ou dans sa conversation avec les autres, bien que le qualifié de misanthrope serait beaucoup trop fort, parce qu'il aimait beaucoup recevoir du monde. Mais bon, on se dit que lorsqu'il dit que l'homme parle de ses compagnons en disant qu'il les supporte peu volontiers, mais dont il ne peut pas non plus se passer, qu'il y a un peu du vécu là. Et c'est tant mieux, parce que ça permet à chacun peut-être d'oser admettre que nous avons tous ça en nous quand même. Absolument. Absolument. Et donc on voit bien ce mécanisme qui est à l'œuvre pour l'individu, dans la proximité avec les autres, mais une proximité dans laquelle chacun cherche à dominer les autres du fait de cette tendance à se singulariser et à vouloir s'isoler des autres, hein, et qui fait que, peu à peu, nous allons être amenés à développer nos potentialités dans cette dynamique de concurrence et de rivalité que nous avons avec les autres. Et ce qui fait que l'homme ne pourra pas développer ses potentialités en dehors de d'une société civile avec les autres hommes, puisque c'est seulement cette rivalité qui va amener les hommes à vouloir se dépasser et, en voulant se dépasser, se réaliser eux-mêmes. Dans la proposition qui suit, il y a une image très célèbre qui illustre parfaitement le processus qui est ici à l'œuvre. C'est l'image de la forêt. Kant, et qui exprime bien ce mécanisme de l'insociable socialité et pourquoi il faut à la fois de la sociabilité et de l'insociabilité pour que l'homme se réalise. La métaphore de la forêt, c'est de dire que justement c'est seulement dans la forêt que les arbres peuvent pousser grands et droits. Pourquoi est-ce qu'ils poussent grands et droits ? Parce que, rassemblés les uns à côté des autres, ils sont obligés de lutter les uns avec les autres pour la lumière et pour atteindre la lumière, et donc à devoir toujours grandir plus haut afin de dépasser les autres. Et c'est ce mouvement-là de rivalité entre les arbres pour la lumière qui conduit à grandir et à se dépasser soi-même, à réaliser son être d'arbre, si je puis dire, dans la forêt. Alors que, dit Kant, l'arbre qui pousse à l'extérieur de la forêt va pousser tout chétif, rabougri et tordu, parce que il a la possibilité de lancer ses branches où il le veut. Bon, c'est pas vrai pour les chênes, c'est pas vrai pour les saules pleureurs, c'est quand même pas vrai pour tous les arbres. Non, mais ça, c'est sans doute le Kant botaniste. L'image est évidemment simpliste. Mais elle exprime bien justement pourquoi les hommes doivent être rassemblés ensemble, mais comment ils doivent aussi être animés par cette dynamique de rivalité, de concurrence, pour pouvoir se réaliser eux-mêmes. Et au contraire, s'il n'y avait pas cette rivalité, ce sont les bergers d'Arcadie qu'un peu plus loin, dans la quatrième proposition, Kant va évoquer, qu'il évoque aussi dans les conjectures sur le commencement de l'histoire humaine. C'est les bergers d'Arcadie qui, n'ayant pas ce principe de rivalité et de concurrence, vivraient d'une existence sans doute heureuse, paisible, harmonieuse, dans une forme de concorde, dont on verra qu'elle n'est pas la véritable paix, mais de concorde première, mais où, n'étant pas poussés à se dépasser les uns les autres, eh bien, ne développeraient pas leur potentialité et resteraient, dit Kant, presque aussi stupides que le bétail qu'ils sont chargés de garder. Mais alors, il vous faut préciser dès à présent, François Calori, ce que Kant entend par moteur et par progrès, parce que si on lit ce texte tel qu'on vient de l'entendre ici, on se dit, ah oui, d'accord, donc on fait l'éloge du conflit, donc c'est en clair, c'est un peu la loi du plus fort, c'est battons-nous pour progresser, pour survivre, comme ces arbres dont seuls les plus forts, au fond, vont parvenir jusqu'à la lumière au-dessus de la cime des autres. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, je sais pas, l'ultra-libéralisme, au fond. Laissons les hommes à l'état de nature, qu'ils se battent et les plus forts survivront. Il me semble pas que ce soit les affinités politiques développées par Kant. Non, ce qui est peut-être commun à une forme de libéralisme et à Kant, ce serait l'insistance sur une forme de productivité et de positivité d'un mécanisme de concurrence par lequel les hommes en viennent à se développer eux-mêmes, ou l'économie à devenir plus productive. On pourrait faire ici un simple parallèle. Mais évidemment, Kant ne s'en tient pas du tout à ce seul niveau économique comme le ferait l'ultralibéralisme. Et il n'y a pas ici non plus un éloge de la rivalité et de la lutte entre les hommes qui serait une justification morale. Kant dit bien dans ce texte que ces qualités sont peu sympathiques en elles-mêmes. Elles sont en elles-mêmes immorales. On se situe pas ici du tout dans une perspective qui serait la perspective éthique d'une justification de ces qualités. Elles permettent un progrès de l'homme. On va voir qu'elles permettent de s'approcher des conditions juridiques d'une moralisation, mais elles ne sont pas en elles-mêmes justifiées pour cela. Mmh. Mais elles demeurent le moteur de ce développement, d'un côté. Deuxièmement, et ça c'est très important, il ne s'agit pas non plus de dire qu'il faut se battre, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'il y ait une véritable lutte effective entre les hommes, violente, pour qu'il se réalise. Il s'agit justement, et c'est là-dessus que va déboucher dans la cinquième proposition Kant, c'est il s'agit de trouver comment organiser cette coexistence des hommes, marqués néanmoins par une forme d'insociabilité, pour que cette concurrence et cette rivalité ne dégénèrent pas en lutte de tous contre tous, qui serait une forme de conflit destructeur et ruineux. Et comment les hommes, dans ce processus de culture, puisqu'il s'agit bien de montrer comment l'homme va se cultiver par la rivalité, ne soit pas une simple violence et un simple conflit. Et c'est pourquoi il s'agit de construire une société civile administrant le droit de façon universelle, qui va devenir le problème essentiel pour l'homme. Comment réaliser cette coexistence des libertés de telle sorte que nous vivons ensemble sans pour autant que les libertés empiètent les unes sur les autres et qu'on puisse ainsi encadrer ce mouvement par lequel la dynamique de l'insociabilité nous fait nous réaliser nous-mêmes. Ça veut dire que le texte que nous venons d'entendre est un moment, une étape qui ne peut pas être la fin ultime. Vous l'avez dit, Kant, dès le début du texte, dit bien qu'il y a des dispositions naturelles chez l'homme qui sont destinées à se développer un jour complètement en raison d'une fin, c'est l'expression de Kant. Ça veut dire qu'il a en puissance tout ce qu'il s'agit ensuite d'actualiser. Bien, la fin de l'homme, ce n'est pas ce conflit-là, quand bien même il serait la condition d'un progrès, mais c'est autre chose, l'instauration sans doute d'un droit, d'une institution qui garantisse cette paix-là. Quelle différence alors, François Callery, entre ce que Kant dit dans ce texte et un autre texte qui est peut-être plus connu, qui est celui de Thomas Hobbes, qui s'appelle Le Léviathan, dans lequel Hobbes parle de la guerre de chacun contre chacun. Je vous propose qu'on l'écoute et vous nous direz ensuite comment Kant s'inscrit dans cet héritage. Parce que l'état de l'homme est un état de guerre de chacun contre chacun, situation où chacun est gouverné par sa propre raison, et qu'il n'existe rien dans ce dont on a le pouvoir d'user qui ne puisse éventuellement vous aider à défendre votre vie contre vos ennemis, il s'ensuit que, dans cet état, tous les hommes ont un droit sur toute chose, et même les uns sur les corps des autres. C'est pourquoi, aussi longtemps que dure ce droit naturel de tout homme sur toute chose, nul, aussi fort ou sage fût-il, ne peut être assuré de parvenir au terme du temps de vie que la nature accorde ordinairement aux hommes. En conséquence, c'est un précepte, une règle générale de la raison, que tout homme doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a un espoir de l'obtenir. Et, quand il ne peut pas l'obtenir, qu'il lui est loisible de rechercher et d'utiliser tous les secours et tous les avantages de la guerre. Et voilà, le mot est lancé par Hobbes, c'est celui de paix. Justement, le but, ou plutôt le défi à relever, c'est de maintenir dans cet état d'insociable sociabilité, pour reprendre l'expression de Kant, quelque chose qui ressemblerait à la paix. Alors pour Hobbes, c'est assez clair, la paix découle d'un intérêt bien compris. Au fond, une fois que l'homme a compris que pour s'en sortir, il fallait parfois en arriver à détruire autrui, le problème c'est que parfois ça peut se retourner contre lui, donc il vaut mieux se défaire de cette souveraineté, la remettre entre les mains d'un souverain qui lui peut être un tyran du moment qu'il instaure la paix entre les citoyens. Chez Kant, c'est différent. Alors comment est-ce que Kant s'inscrit dans cette pensée de Hobbes, François Callery? Kant, lorsqu'il s'agit de décrire l'état de nature, va reprendre une description qui est explicitement d'ailleurs référée par lui à la doctrine de Hobbes. Notamment, enfin, il y a une note dans la religion, la Bible de la simple raison, ou dans encore des textes dans la doctrine du droit, qui montre bien que l'état de nature pour Kant est un état de guerre de tous contre tous, et de chacun contre chacun. La grande différence peut-être, c'est que pour Kant, nous avons un devoir de sortir de cet état de nature, ce que Hobbes ne dirait pas dans ces termes-là. Pour Kant, c'est de la morale, chez Hobbes, c'est de l'intérêt, c'est ça? Oui, enfin, c'est du droit. La morale, au sens où on y inclut le droit, et pas seulement l'éthique qui serait la vertu. Mais à la différence peut-être du texte de Hobbes, on voit bien que il s'agit de sortir par la soumission à un souverain dont le caractère absolu était évidemment absolument central pour Hobbes, de cette insociabilité première qui correspond avec la nature. Alors que chez Kant, suivante, il va s'agir de trouver les conditions, de réaliser un accord des libertés, de telle sorte que les libertés n'empiètent pas les unes sur les autres, mais où cette insociabilité va continuer à être le moteur du développement d'une culture des hommes, hein, et qui fera que tout ce que finalement est grand dans l'homme dans ses réalisations, qu'elle concerne l'habileté par exemple, mais aussi les arts, le goût, les mœurs, la sociabilité, la politesse, etc., va surgir de cet effort pour les hommes, hein, de cette rivalité entre les hommes qui va exister dans la société civile. Mais tout le problème va être de réaliser cette société civile qui, pour Kant, ne peut être qu'une société républicaine. Hein, donc qui est une république reposant sur un principe de représentation et un principe de séparation des pouvoirs, hein, ce qui le distinguerait aussi de la compréhension de la souveraineté hobbesienne telle qu'elle est développée dans le Léviathan, une constitution républicaine qui est la seule à pouvoir réaliser le droit pour les hommes et à constituer cette société civile dans laquelle s'accomplissent véritablement ces potentialités humaines. Mais, et c'est là que le texte va rebondir et que on va retrouver à un autre niveau cette insociable sociabilité humaine dans ce qu'elle peut avoir de négatif et dans ce qu'elle peut avoir aussi de positif, parce qu'on va le voir qu'une nouvelle fois le remède est dans le mal. C'est au niveau de la, une fois constitués les États, le rapport entre les États va être là aussi un rapport de guerre, et que, nous dit Kant, nous ne pourrons jamais réaliser une constitution civile parfaite à l'intérieur d'un État si n'existe pas une juridicisation, s'il n'existe pas quelque chose comme un droit international qui règle les rapports entre les États et qui permette de dépasser cette guerre qui sinon règne comme elle règne aujourd'hui entre les États, dit Kant. Donc et jusqu'où tient la comparaison entre le rapport entre un individu et la société et entre un État et d'autres États ? C'est exactement le même rapport qui va exister, c'est-à-dire la même insociable sociabilité, au sens où les États sont forcément en rivalité et donc forcément en guerre, et il va falloir trouver là aussi les conditions de la réalisation du droit à l'échelon international, à l'échelon de ce qu'on appellerait le droit public international. C'est le problème de l'Union européenne aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est plutôt la Société des Nations, l'organisation de l'ONU, hein, puisque c'est Kant qui va proposer cette idée d'une Société des Nations dans ce même texte de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Hein. Et Kant dit bien, c'est la même insociabilité dans la septième proposition, il dit bien, c'est la même insociabilité qui règne entre les États et qui va imposer juridiciser aussi le rapport. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas faire une constitution civile parfaite à l'échelon d'un État seulement, dans la mesure où si les relations internationales sont marquées par la guerre, la constitution intérieure de l'État sera tout entière orientée sur la préparation de la guerre, sera tout entière orientée sur une mobilisation de l'État. Hein, et si la guerre est un mal pour Kant, elle est en elle-même, mais elle est peut-être encore plus dans la mesure où elle devient l'horizon de toute politique. La préparation de la guerre est un aussi grand mal, la préparation continue de la guerre qui domine la politique est un aussi grand mal que la guerre elle-même. Et donc, nous ne pourrons jamais réaliser une constitution civile parfaite administrant le droit si nous ne réalisons pas une société des nations, hein, une société des nations dans laquelle les relations internationales sont juridicisées. Cette société des nations, elle est pensée par Kant dans ce qui est le droit des gens, hein, ce qu'on appelle à l'époque le droit des gens, c'est-à-dire le droit international, comme un lien fédératif entre les États. Elle ne peut pas consister en une unification de tous les États, en une monarchie universelle ou dans une république universelle, dans la mesure où, pour lui, un tel État unique serait forcément un État despotique. Il faut maintenir absolument un pluralisme des États, un pluralisme des souverainetés, pour que la liberté soit maintenue. Dans les conjectures sur le commencement de l'humanité, il prend l'exemple de la Chine et il dit la Chine est un territoire tellement puissant par rapport à ses voisins, n'ayant rien à craindre d'eux, elle écrase toute forme de liberté. Et il faut donc qu'il y ait cette menace d'un conflit, mais qui jamais ne dégénère en conflit, pour que cette paix entre les États soit une paix vivante et ne soit pas la paix des cimetières, comme dirait Kant, ou la paix des cachots, comme dirait Rousseau, qui en passe par la contrainte. Donc il faut, pour penser cette société des nations, penser une pluralité d'États, et non pas l'unification des États qui serait forcément un despotisme, penser une pluralité d'États, mais une pluralité organisée par le droit, dans un lien fédératif, hein, une fédération des États qui règle les différents par le biais de la conciliation, de la diplomatie, mais non pas par le biais de la guerre et par le biais de la violence, et où même le plus petit État, dit Kant, puisse faire jouer ses droits par d'autres moyens que la force, justement. Si vous prenez, disons, 50 bombes H dans la gamme des 100 mégatomes en les associant avec du cobaltorium G, quand elles vont exploser, elles vont produire un nuage qui enveloppera la Terre. Le seul radioactif qui gardera encore la moitié de son pouvoir meurtrier au bout de 93 ans. Tout ça, c'est du bourrage de crâne de communiste. Enfin, c'est complètement idiot. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, Alexis. Votre président menace de faire exploser cet engin si nos avions exécutent leur attaque? Bien sûr que non. Aucun être sensé ne ferait une pareille chose. La machine infernale est conçue pour se déclencher automatiquement. Mais vous pouvez assurément la désamorcer. Non. Elle est conçue pour exploser si on fait la moindre tentative pour la rendre inoffensive. Automatiquement. Oh, mais c'est une ruse cousue de fil blanc, monsieur le président. Nous perdons un temps précieux. Regardez le tableau. Il se prépare à nous écrabouiller. Mais enfin, c'est complètement démentiel. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à construire ça? Chez nous, il y avait des gens qui étaient contre. Mais nous ne pouvions plus faire face aux dépenses imposées par la course aux armements, la course à l'espace et à la paix aussi. Chaque État doit s'attendre à subir de la part des autres exactement les mêmes maux qui pesaient sur les hommes et les contraignaient à entrer dans un État civil régi par des lois. La nature a donc utilisé une fois de plus l'incompatibilité des hommes et même l'incompatibilité entre grandes sociétés et corps politiques auxquels se prête cette sorte de créature comme un moyen pour forger au sein de leur inévitable antagonisme un état de calme et de sécurité. Ainsi, par le moyen des guerres, des préparatifs excessifs et incessants en vue des guerres et de la misère qui s'ensuit intérieurement pour chaque État, même en temps de paix, la nature, dans des tentatives d'abord imparfaites, puis finalement après bien des ruines, bien des naufrages, après même un épuisement intérieur radical de leurs forces, pousse les États à faire ce que la raison aurait aussi bien pu leur apprendre sans qu'il leur en coûtât d'aussi tristes épreuves, c'est-à-dire à sortir de l'état anarchique de sauvagerie pour entrer dans une société des nations. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle de Kant cette semaine. Quatre concepts kantiens qu'on analyse, décortique et explique pour vous tous les matins à ce micro. Aujourd'hui, c'est le philosophe François Calori avec lequel nous essayons de comprendre l'expression kantienne d'insociable sociabilité, ce qui fait qu'on ne peut pas vivre sans les autres, mais bien souvent on ne peut pas vivre avec eux. Alors, comment faire? Comment gérer ces conflits qui sont inévitables à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective? On a entendu un extrait du Docteur Folamour de Kubrick qui date de 1964, cette espèce d'escalade vers l'armement et vers la paix. C'était le dernier mot prononcé, justement. Hein. Le but, c'est d'essayer de mener des guerres, mais pour, si possible, obtenir la paix. C'est quand même le but ultime. Est-ce que la course à l'armement est le meilleur moyen? Là est toute la question. Et puis, j'ai lu un extrait donc de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Et dans cette septième proposition, on entend bien que Kant dit que c'est la nature qui va, à travers des tentatives, dit-il, d'abord imparfaites, faire en sorte que l'individu sorte de son état de sauvagerie, et il en est de même pour l'État. Comme c'est étrange, cette nature qui semble douée d'une intention, et ce qui semble déresponsabiliser l'homme, au fond, si c'est la nature qui choisit, bah alors c'est plus la raison humaine. Donc de deux choses l'une, François Calori, soit l'homme est responsable, soit c'est la nature qui est bien plus intelligente que lui. Oui, absolument. Alors, il faut s'interroger sur plusieurs choses. D'abord, quelles sont les conditions de possibilité de ce discours téléologique que Kant prend dans ce texte-là de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. Hein, c'est ce discours téléologique, ce discours de la finalité. Comment on peut penser la finalité d'une histoire et qui est l'agent de cette finalité? Est-ce que derrière la nature se cache quelque chose comme une providence ou une dimension théologique hein, dans cette affaire-là ou pas? C'est la première chose. Et dans quelle mesure on est en droit hein, de tenir ce discours téléologique? Sur ce point-là, le texte de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique reste encore peu clair. Il faut attendre la suite de l'œuvre kantienne pour que on se dévoile hein, les conditions de possibilité de ce discours, et tout particulièrement dans la critique de la faculté de juger, lorsque Kant va s'interroger sur la possibilité d'un discours téléologique sur le vivant et qui implique aussi une réflexion téléologique sur l'histoire, hein, donc, mais qui ne peut pas être un discours dont on verra en termes kantiens, il n'est pas un discours constitutif, mais bien régulateur seulement, c'est-à-dire qu'il faut trouver un fil conducteur qui nous permet de lire l'histoire comme ayant un sens, mais qui ne nous permet pas de prédire les événements. Une deuxième chose sur laquelle il faut insister dans l'idée d'une déresponsabilisation de l'homme, c'est qu'il faut maintenir quand même que pour Kant, la guerre est un mal. La guerre est un mal, et un mal absolu, et il le dit par exemple dans la conclusion de la doctrine du droit, hein, la raison met son veto irrésistible, hein, la raison pratique met son veto irrésistible, catégoriquement, il ne doit pas y avoir de guerre. Et cette exigence-là, qui est une exigence morale pour Kant catégorique, elle ne tolère aucune exception et elle s'impose à tous les hommes. Donc, il faut bien faire la distinction entre, d'un côté, l'exigence morale pratique, il ne doit pas y avoir de guerre, il ne doit pas y avoir de violence, et la réalisation du droit, elle est la réalisation de la paix. La paix est le but suprême politique, elle s'identifie au droit, elle est l'élément même du droit, au sens où elle est analytiquement contenue dans le droit. Réaliser de droit, c'est réaliser la paix, d'un côté, et cette exigence-là, elle est une exigence morale forte, et de l'autre, cette perspective téléologique dans laquelle nous cherchons, dans l'histoire humaine, quelque chose qui ne relève pas de la volonté humaine, de l'arbitre humain, mais au contraire, quelque chose qui, à l'insu des hommes, se réalise alors même que les hommes ne pensent qu'à justement dominer les autres dans le jeu de leur passion et de leurs intérêts, mais va réaliser, malgré les hommes, un accord que Kant appelle dans le texte de l'idée d'une histoire universelle, un accord pathologiquement extorqué. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout moralement, c'est pas les hommes qui d'un coup se rendraient compte « Ah, il faudrait qu'on arrête de faire la guerre et faire une constitution civile à l'intérieur des États et faire la paix entre les différents États à l'échelon international ». Ça ne repose pas sur une moralisation antécédente des hommes, mais au contraire de voir comment la nature prépare les hommes, justement, prépare la possibilité d'une réalisation du droit grâce à cette insociable. Mais ça, c'est très étrange quand même, François Calori, de dire que la nature a une intention. Et Kant va même jusqu'à parler, enfin en tout cas on lui fait dire, mais c'est cette ruse de la nature. Oui. C'est la nature qui se sert du conflit humain pour finalement faire advenir le progrès moral. Oui, c'est un plan caché. Mais oui, voilà. C'est du complotisme, soit c'est de la religion, en fait la nature c'est non, Dieu. Non. Mais non, c'est non, très c'est... étrange cette nature qui décide pour l'homme. Oui, mais c'est justement, il faut bien saisir la perspective régulatrice, hein, qui est celle de Kant. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissant, c'est-à-dire... il nous faut aussi, du fait d'un intérêt pratique, moral, hein, l'homme ne peut pas désespérer de l'histoire. Justement, ne peut pas désespérer de l'histoire. Il a cette exigence pratique forte, il ne doit pas y avoir de guerre, il faut réaliser les conditions juridiques qui sont elles-mêmes les conditions juridiques d'une moralisation de l'individu, et cet impératif, il est un impératif absolument catégorique, mais l'homme va chercher dans l'histoire et dans la considération du mécanisme naturel des actions humaines, de quoi pouvoir ne pas désespérer de la possibilité de cette réalisation. Et pour cela, il va falloir, dans une perspective téléologique, hein, reconstituer la possibilité d'une espérance. Kant ne cherche pas ici... C'est du comme-si, vous voulez dire, c'est sur exactement, le mode du comme-si. Sur le mode du comme-si. C'est une image que l'homme, un récit que l'homme se raconte pour ne pas désespérer. C'est pas seulement une fiction, c'est pas simplement une fiction, c'est véritablement l'intérêt pratique qui nous pousse à considérer l'histoire humaine de telle sorte que nous ne puissions pas désespérer de la réalisation possible de la moralisation et d'abord de la constitution d'un véritable droit à l'échelon intérieur et à l'échelon international. Et c'est pourquoi, dans le projet de Père Perpétuel, ce grand texte qu'en 1795, Kant, et qui s'inscrit directement dans le prolongement de cette idée d'une histoire universelle, hein, Kant va parler d'une garantie. Ce que l'homme cherche, c'est une garantie, une assurance que tous les efforts qu'il pourrait faire pour réaliser la paix, et qui est une exigence à laquelle il ne peut pas se soustraire, que ces efforts ne sont pas des efforts qui sont menés en vain, qui sont des efforts désespérés. Et on va donc chercher, hein, de quoi développer la lecture possible. Et ce qui nous permet d'espérer, c'est de voir qu'en fait, c'est dans la discorde même et dans la qui va permettre de réaliser. S'il fallait attendre une moralisation des individus, on attendrait toujours. Jamais elle n'adviendrait. Mais c'est justement la nature qui va amener les hommes, hein, à préparer les conditions de ce qui dépasse en l'homme toute nature et qui est les conditions de la liberté, à savoir le droit, et puis ensuite, sur la base du droit, une moralisation éventuelle des individus. Et il s'agit donc de pouvoir développer ce discours téléologique, non pas comme un discours prédictif, en disant c'est ça qui va se passer, sur la base d'une connaissance que nous aurions et qui serait une connaissance constitutive et à partir de laquelle il n'y aurait pas de... mais au contraire, une raison qui est une raison finie, qui cherche dans l'histoire des signes qui lui permettent de croire en la réalisation de l'exigence qui est l'exigence catégorique. Et ce texte est écrit 5 ans avant la Révolution française, donc j'imagine que pour Kant, il y voit un des signes qui lui donne raison, mais si on avance dans l'histoire, est-ce que vous pensez que ce texte aurait a encore un sens après le XXe siècle, par exemple? Déjà, la Révolution française, c'est intéressant cet événement-là, parce que plus tard, dans le conflit des facultés, où Kant reprend, donc c'est un des derniers textes que Kant publie, Kant va reprendre toute cette thématique de la possibilité d'un progrès humain, dans le conflit des facultés entre la faculté de philosophie et la faculté de droit, et il va montrer comment justement, la raison humaine cherchant dans l'histoire des signes permettant de croire en cette possibilité d'une réalisation du droit va trouver dans la Révolution française ce signe éclatant d'un progrès humain. Mais non pas, c'est pas la Révolution elle-même qu'il est, parce que la Révolution, elle est un événement historiquement ambigu, un événement violent, un événement, et Kant, dans sa doctrine du droit, récuse la possibilité d'un droit de résistance pour le peuple, il le maintient dans le conflit des facultés. Donc, en lui-même, cet événement violent n'est pas le signe d'un progrès moral ou d'un progrès juridique de l'homme, mais c'est l'enthousiasme suscité dans le cœur des spectateurs qui, dans l'Europe entière, assistent à cet événement prodigieux qu'est la Révolution française, et qui est prodigieux non pas comme révolution en elle-même, qu'en renversement de l'ordre établi ancien, mais qui est prodigieux par l'effort qui est mené d'imposer enfin une constitution qui serait conforme au droit et une constitution républicaine dans une pleine souveraineté du peuple français. C'est cette possibilité-là, celle d'enfin réaliser une politique conforme au droit, qui va saisir l'Europe entière, et Kant le premier, d'un sentiment d'enthousiasme, et le philosophe, qui est spectateur des spectateurs, si on peut dire, va prendre cet enthousiasme-là des spectateurs, et qui est un enthousiasme qui manifeste une moralisation en particulier parce que ces spectateurs-là manifestent leur enthousiasme alors que leur intérêt est absolument pas de le manifester, au contraire, parce qu'ils peuvent être mis en cause par dans les régimes qui sont les leurs, qui ne sont pas républicains pour cette forme-là juridique de la République. Eh bien, c'est cet enthousiasme désintéressé qui devient pour Kant le signe d'un véritable progrès humain dans l'ordre du droit et dans l'ordre de la juridicisation. Et donc, on voit bien que cette lecture téléologique que fait Kant de l'histoire, elle est une lecture qui, animée de ce fil directeur-là, oui, nous pouvons croire au progrès humain parce que nous avons cette insociable sociabilité humaine qui va amener l'homme à se développer malgré tous les mots que elle impose à l'homme, cette insociable sociabilité, malgré tous les mots que l'homme s'impose à lui-même du fait de cette insociabilité, en fait, elle amène progressivement les hommes à réaliser les conditions juridiques d'une moralisation éventuelle et... Le signe le plus éclatant de cela, c'est justement l'enthousiasme qui saisit l'Europe devant la Révolution française. Bon, mais après, je parlais du XXe siècle, que reste-t-il de cet optimisme historique après la Shoah, par exemple? Est-ce que là, on peut dire... Oui, alors ça, évidemment, c'est le discours qui sera développé après la Seconde Guerre mondiale, et qui met en question toutes les philosophies de l'histoire. Voilà, exactement. Pas seulement celle de Kant, qui semble invalider cette perspective même qui tente de trouver un sens. Comment donner un sens à ce qui est l'injustifiable absolu et le mal absolu? Comment pouvoir développer une quelconque philosophie de l'histoire? Elle est mise en péril par l'advenue de cet événement qui serait l'inverse même de l'espérance de la Révolution française. Et pourtant, pour Kant, on ne peut pas désespérer. Même à ce moment-là, nous avons toujours cet intérêt pratique qui est un intérêt catégorique, qui est lié en nous à la loi morale et qui nous dit « tu dois, donc tu peux ». Et « tu dois, donc tu peux », c'est pas d'abord définir la possibilité pour pouvoir ensuite se demander si on peut réaliser le devoir. Mais nous avons le devoir de réaliser la paix, de réaliser ce droit. Et puisque nous avons ce devoir-là, alors nous devons nous convaincre de sa possibilité et nous devons chercher des signes de sa possibilité. Nous ne pouvons pas renoncer à notre humanité. Renoncer à cette perspective-là, c'est renoncer à notre humanité. Le désespoir n'est pas une possibilité et il s'agit donc d'ouvrir une espérance. Il ne s'agit pas d'ouvrir une prédiction. Il ne s'agit pas de dire nécessairement. Mais il s'agit de montrer que par cette réflexion télélogique de la philosophie de l'histoire, et par ce jeu de l'insociable sociabilité, nous pouvons croire en l'homme. C'est-à-dire, nous pouvons croire en la possibilité de cette réalisation, de ce qui pour nous par ailleurs est un devoir absolu, auquel nous ne pouvons pas renoncer. Et donc, la philosophie de l'histoire, elle est là justement pour ouvrir cette dimension de l'espérance, d'une espérance qui est aussi une espérance politique, juridique, de la possibilité d'une réalisation du droit. Et cette réalisation du droit à laquelle nous devons travailler par ailleurs, c'est-à-dire qu'individuellement, nous devons travailler, on ne doit pas dire, puisque la nature s'en occupe, nous sommes déresponsabilisés. Non, à l'échelon individuel, nous devons, autant que faire se peut, travailler à cette réalisation du droit, dans cette triple dimension du droit pour Kant, qui est d'un côté le droit civil, réaliser une constitution républicaine. Mmh. Deuxièmement, le droit des gens, réaliser une société des nations. Hein, et les deux étant imbriqués, parce que seule la société des nations permettra de réaliser la société à l'échelon interne d'une façon qui soit pleinement républicaine. Et en même temps, seules les républiques permettent de réaliser le droit des gens, le droit international, parce que le régime républicain est un régime qui est fondamentalement pacifiste. Dès lors que ce sont ceux qui doivent payer le prix de la guerre qui en décideront, eh bien, évidemment, on ne se lancera pas dans des guerres qui seront des guerres pour des motifs qui seront des motifs triviaux. Hein, la républicanisation des régimes est une des conditions pour Kant, dans le projet de paix perpétuelle, de la réalisation du droit international. Et inversement, le droit international est une des conditions de la réalisation d'une pleine, de la perfection républicaine du régime intérieur. Il y a là un cercle, oui. Mais un cercle qui n'est pas un cercle vicieux, mais au contraire, un cercle peut-être vertueux, l'un travaillant pour l'autre. Et il y a une troisième dimension du droit international, qui est très importante chez Kant, qui est le droit proprement cosmopolitique, qui règle le rapport de l'État avec les étrangers, les ressortissants d'un autre État, hein, et qui implique un devoir d'hospitalité. Hein, nous devons hospitalité à l'étranger, c'est-à-dire qu'il peut pénétrer dans l'espace public d'un État sans qu'il soit traité en ennemi. Il peut venir proposer son commerce, mais pas seulement au sens économique du terme, c'est le commerce au sens du XVIIIe siècle, l'ensemble des relations, il peut entrer en relation avec nous, et nous devons pouvoir l'accueillir, lui donner hospitalité, sans le traiter en ennemi. Mais ce droit d'hospitalité, il est présenté de façon restrictive pour Kant, dans la mesure où c'est seulement un droit de visite et pas un droit d'installation. C'est-à-dire que nous devons accueillir l'étranger qui propose son commerce, mais il ne doit pas nous l'imposer et il ne doit pas s'installer chez nous. Hein, il peut le faire, mais à condition que la communauté nationale l'accepte et lui donne accueil. Et il y a une condition économique, vous dites, pour proposer un commerce. C'est-à-dire que les sans-papiers, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça le problème qui se pose. Ça, pour le coup, c'est ce que dit Kant, ne s'applique pas à la situation des migrants. Il n'y a pas un droit d'immigration. Ouais, voilà. Il n'y a pas un droit d'immigration, il y a un droit de visite. Mais qui n'est pas une condition économique du tout. Il faut accueillir l'étranger et ne pas le traiter comme ennemi. Mais lorsque Kant présente cela de façon restrictive, c'est pas du tout aux sans-papiers que pense Kant et aux immigrés illégaux. Ce qu'il pense, c'est à tous ces pouvoirs européens qui vont s'installer sur des territoires par la politique coloniale qui est menée alors par les États européens. Et il y a une critique féroce de Kant dans cette fin du projet de perpétuel, dans le cette troisième article définitif du projet perpétuel, hein, où Kant met en question les politiques coloniales, où justement les États européens transforment ce droit d'hospitalité où ils peuvent venir proposer leur commerce en un véritable droit d'installation, sans que pour les communautés habitant là, leur est donné l'accord pour venir s'installer. Et donc, c'est pas du tout cette clause restrictive, la clause d'un État européen qui refuserait de voir des gens pénétrer sur le sol national, c'est plutôt elle est pensée par Kant comme une critique du colonialisme qui se développe à l'époque. Et ça, c'est intéressant, cet aspect-là de la pensée kantienne, et pas toujours connu non plus, qui est dans une perspective anticoloniale. Et un dernier mot, puisqu'on arrive au terme de l'émission, vous avez parlé de l'importance de la République pour Kant. Ça aussi, si on essaye toujours de lire ce texte avec les yeux d'aujourd'hui, l'idéal de la République est mis à mal aujourd'hui. Justement, on pense que la République n'est pas forcément quelque chose qui garantisse l'égalité, le droit égal pour tout le monde, etc. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui fonctionne avec la pensée kantienne de la République? Alors évidemment, il faudrait voir la conception de la République, hein, pour Kant, n'est pas une conception démocratique. Hein, donc, ce qu'il appelle République, c'est quelque chose qui implique le principe de représentation et le principe de séparation des pouvoirs. Et il la pense plutôt comme une monarchie constitutionnelle que comme une démocratie telle que nous l'entendons. Donc là, évidemment, l'histoire. Mais c'est pas les valeurs républicaines telles qu'on en parle aujourd'hui. Il y a aussi, enfin, un certain nombre de valeurs qui sont, mais qui sont pas forcément les sociaux-démocratiques. Donc là, c'est, mais évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur cet aspect-là républicain. Mais si on peut ajouter un dernier Allez-y. Mot, qui me semble important, qu'on n'a pas développé sur la sociabilité, c'est que pour Kant, c'est la guerre qui est le moyen de la réalisation de la paix. Et c'est ça qui, quand je disais tout à l'heure que le remède était dans le mal, c'est que c'est justement la guerre et la barbarisation de la guerre, le fait que la guerre devienne de plus en plus cruelle, de plus en plus fait face de davantage de morts, etc., qui va amener progressivement les États à se placer devant la nécessité d'une juridicisation de leurs rapports. Et donc là aussi, on n'a pas non plus à attendre une sorte de révélation qu'auraient les chefs d'État ou les peuples dans la nécessité de faire une paix et qui dépendrait d'une moralisation. Non, c'est le jeu mécanique de la guerre qui va amener ce qui est dur à entendre, les conditions du droit. Quand on est en période de guerre, justement, est-ce que la fin justifie les moyens ? Mais ça, non, parce que ça ne veut pas dire pour autant la guerre est un mal. Mais la guerre est un mal, et pour Kant, c'est un mal absolu. Il ne doit pas y avoir de guerre, c'est le veto catégorique. Mais quand elle arrive, ça permet la paix. Mais non, c'est quand on considère l'histoire, eh bien, on peut garder une espérance parce qu'on peut lire l'histoire de cette façon-là, paradoxale, où c'est finalement l'insociabilité entre les hommes, la guerre entre les États, qui progressivement, mécaniquement, pathologiquement, comme dirait Kant, par le seul jeu des intérêts, va amener progressivement à la réalisation des conditions juridiques d'une moralisation de l'homme. Et c'est ça qui nous permet d'avoir de l'espérance, c'est que ça ne dépend pas de la volonté de l'homme, ça dépend de quelque chose qui est inscrit dans la nature, mais là aussi, qui n'est pas, il ne s'agit pas de dire on a prouvé une providence théologique dans la nature, c'est au contraire parce qu'on a une raison d'espérer que cela ouvre à la perspective que ça puisse être providentiel. Pour trouver des raisons d'espérer, lisez donc L'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique. C'est un texte que vous trouvez en poche et qui est assez facile à lire par rapport aux critiques d'ailleurs. Donc j'encourage les auditeurs à On peut commencer par là pour commencer Kant. Exactement, commencer par là. Vous nous en donnerez des nouvelles. Merci beaucoup François Calori. Merci à vous, merci de votre invitation. Now here we are alone, but still you haven't shown one bit of sociability. You've often told me, dear, you like to have me near, and now you act indifferently. This place is so immense, please use some common sense. Oh, come on, be sociable. I'd love to see you mix. Let's do some parlor tricks. Come on, be sociable. You'll get nowhere by acting so gloomy. You'll learn a lot by cuddling to me. My lips can use a mate. They say cooperate. Come on, be sociable. I'm chock full of romance. You get that way in France. Come on, be sociable. Don't act so nonchalant. I've got the love you want. Now, come on, be sociable. I know your type, the kind that will say, oh no. But then they break out like a volcano. One kiss will make you cry. Oh, Maurice, where am I? Oh, come on, be sociable. Oh, come on, be sociable. C'est Maurice Chevalier pour terminer cette émission sur l'insociable sociabilité chez Kant. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question, c'est une question que se posait Montesquieu. Comment peut-on être français? Et vous pensez avoir trouvé la réponse dans une chanson de Michel Sardou. Alors, il faut que je vous raconte. Oui, racontez-moi. J'ai eu le privilège d'abord d'être convié à un dîner de dégustation dans le Sauternais. Les verres de vin liquoreux se sont succédés jusqu'à l'apothéose d'un château Yquem 2001, servi avec du bleu. Inutile de dire que la réputation du célèbre Sauternes n'est nullement usurpée. Je manque même de vocabulaire pour dire à quel point c'était bon. Le vin, on sait, c'est des adjectifs, des cascades de qualité. Le Hickem appelle plutôt sur lui les outils ambigus de la théologie négative. Bon, je sais que vous avez forcément bu avec modération, puisque vous êtes là ce matin pour en parler. La théologie négative, ça veut dire en fait qu'on peut seulement dire ce qu'il n'est pas, ce vin. Exactement. Et le château Hickem n'est pas mauvais. Heureusement, l'un de nos hôtes, un sosie de Philippe Solaire, s'est venu faire un discours. Il a parlé de verticalité, de racines profondes de plus de 15 mètres. Il a parlé du botrytis, le champignon responsable de la pourriture sacrée, cet équilibre parfait entre les arômes et le sucre. Un grand Sauternes, c'était un monument invisible, une incroyable concentration d'énergie. Après avoir raccompagné au bus sous une pluie d'orage la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, cet autre monument de la culture française, j'ai fixé la route d'un noir éblouissant prêt à toutes sortes de nouvelles épiphanies patriotiques. Arrivé à mon hôtel, j'ai mécaniquement mis la télé. Il y avait un débat sur le destin de la droite. Puis je suis tombé sur un documentaire consacré à Michel Sardou, chanteur que je connais très mal, mais dont ma fille m'a un jour affirmé, alors que je lui demandais, je la suppliais d'arrêter de chanter les lacs du Connemara à tue-tête, que je la censurais, m'a-t-elle soutenu, au motif que Sardou était de droite. Être de droite, c'est le charme vénéneux premier interdit de Sardou. Être de droite comme une autre version de cette pourriture sacrée qui donne sa saveur au Sauternes. Être de droite en France, ça ne tient d'ailleurs souvent qu'à une seule donnée sociologique. On est de droite quand, de Sciences Po à HEC, on a un jour dansé à la fin d'une fête étudiante sur les lacs du Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre. Suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Bon, là, j'ai dans la tête pour la journée. Hein. Je vous remercie, Aurélien. Expliquez-nous surtout, pourquoi est-ce qu'on est de droite quand on danse sur cette chanson ? Eh bien, c'est une énigme anthropologique majeure. Comment, suite au dérèglement d'un synthétiseur dont les boucles de cordes se sont un jour mises à faire un bruit de cornemuse et grâce au génie d'un parolier qui n'avait jamais mis les pieds en Irlande, le récit qu'on entend d'un mariage irlandais est devenu l'hymne des futurs décideurs de la France, car c'est, depuis un quart de siècle, sur les lacs du Connemara que finissent rituellement les fêtes étudiantes dans les grandes écoles de France. Quiconque est appelé à présider un jour aux destinées de la France aura médité, ivre, sur les énigmatiques paroles des lacs du Connemara, l'âme de la France repose autant dans cette chanson entêtante que dans le liquoreux Sauternes. Et j'étais heureux que le hasard m'ait fait passer ce soir-là du Sauternes à Sardou. J'ai par ailleurs découvert dans cet excellent documentaire la verticalité absolue de Michel Sardou, ce qui le ramenait justement à la verticalité du Sauternes. Un drôle de petit mec, le jeune Sardou, qui chante parfois des horreurs, mais qui ne bouge pas d'un millimètre devant son micro, face caméra, sous les yeux fascinés de son public. Il y a quelque chose de péremptoire, d'absolu chez Sardou. Ça ne bouge pas comme Claude François, ça n'essaie pas comme Balavoine d'imiter Jim Morrison. C'est là, absolument incarné, et c'est si puissamment là que c'était un défi pour les adversaires qui défilaient à l'écran, pour toute la gauche culturelle, de Montand à Renault, séduite malgré elle. Il faudra faire avec Michel Sardou, et cela fait un demi-siècle que ça dure. Sardou, ce n'est pas un chanteur qu'on aime, c'est quelque chose de l'ordre de l'atavisme avec lequel on a appris à vivre. Oui, fais attention à pas dire du mal de Daniel Balavoine pour autant. Alors ce serait ça, être français, cohabiter avec Sardou ? L'âme de la France n'est ni bonne, ni mauvaise, ni liquoreuse, ni amère, mais elle existe, incontestablement. Aimer Sardou, à nous autres Français, c'est notre péché originel. J'accuse les âmes de se croire des surhommes, alors qu'ils sont bêtes à croquer la pomme. Eh bien, merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique et ses belles chansons sont à réécouter sur le site du France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Oh, Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni avec Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda, Esther Valencic et Nicolas Berger à la réalisation. Ils sont de plus en plus nombreux. À la prise de son aujourd'hui, c'était Élise Leu. À la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Kant. Après le transcendantal hier, l'insociable sociabilité ce matin, et bien demain, nous affronterons un autre des concepts clés de la pensée de Kant, l'impératif catégorique. Mais qu'est-ce que l'impératif catégorique ? Ce sera le philosophe Antoine Grandjean qui sera en studio pour répondre à cette question. D'ici là, eh bien, vous pouvez les réécouter, ces premières émissions, pour pouvoir continuer à écouter la suite en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast et télécharger chacune des émissions pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.